Bilduma baltzak doku izanek nome Kopuñan notaita doku izan balime Jalpoan edriki zemame itxarre Iztame zizketxik di Bieldoloro erateko. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Alouest Créa Nouveau. Et allez, ça fait bien longtemps hein, qu'on n'est pas été en Pologne. Salut Souris. Salut Milky et salut tout le monde. Bah On va ouais, la Pologne, ouais, ça faisait hein. que ça nous manque toujours quand on n'y va pas assez souvent. Quoi. C'est ça, c'est clair, c'est K, c'est W, c'est L barré. C'est E, C'est c'est longue dit. litanie de consonnes qui se suivent à n'en plus finir. C'est ça. C'est A, c'est dit. Ah. On va commencer à Varsovie d'ailleurs avec un groupe récent, puisque c'est Werwolf 77. Ouais, Werwolf, Shedem, Shedem. Voilà. ouais, donc, comme on disait juste avant, pas évident de trouver des infos sur ce groupe, hein, mais bon, voilà, on sait qu'ils sont de Varsovie, on sait que leur dernier album sorti, c'est 2020, donc a priori, ils sont peut-être encore toujours actifs. Les titres que j'ai choisis, c'est Bratia i Siostre, qui veut dire frère et sœur. Et le deuxième, Świętem Jadzi Kurwa i Złodziej. J'espère que j'y suis à peu près arrivée. et qui veut dire le monde est dirigé par une pute et par un voleur. Ça commence fort cette émission. Les choses sont claires. Ouais. Braća i siostry, obywatele. Werwolf Sedem Sedem avec Bratia et Siostri et Suetiam Radje Kurva i Schwajej. J'étais Ouh! pas sûre que tu allais vouloir te lancer là. Ah ben, dès le premier mot, j'ai regretté. Bah oui, je me suis dit ça aussi, que genre, oh putain, mais qu'est-ce Centrecage. Cascade réalisée centrecage. Allez, plus simple, on va aller maintenant en Silésie avec Pchevolnia. C'est Voyné, ouais, qui veut dire les chiens de guerre. Donc c'est du punk rock de attention le nom de la ville. Oh Je me lance. yeah. Vas-y. Allez, je respire. Yas Tchébié Zdrouy. Alors faut savoir comme ça quand je prononce, ça a peut-être pas l'air si dur, mais c'est parce que les gens ne le voient pas écrit, ils se rendent pas Ouais. compte. Bon bref, c'est un groupe qui a été créé en 85 par Fallon. Et les deux groupes, n'importe quoi, excusez-moi. Les deux titres qu'on va jouer, c'est Polizia, je pense que tout le monde comprend, ça va. Et le titre éponyme donc du groupe, c'est Voyni, donc les chiens de guerre. Thank you. C'était Pievolnier avec Politia et Pievolnier. Et nous allons maintenant écouter putain Big Chic. Big Tis. Big Tis. Ah ouais, en fait, en le disant comme ça fait. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ça te dit quelque chose du coup? Ça me dit Tu quelque vois? chose. Voilà. Donc oui, ça sonne un petit peu en effet comme tits en anglais et c'est pas pour rien parce que bah, justement, tits, ça veut dire nibar en polonais. En polonais, en silésien, on va savoir, je suis pas trop sûre. Non, ça, je pense que c'est en polonais tout court. Ouais, vu qu'ils sont de Silésien, Gdansk. ça serait peut-être plus proche de l'allemand du coup. Bon, bref, du coup, c'est un groupe qui a été fondé en 88 par Skiba, qui est né à Gdansk, en plus, du coup, rien à voir avec les Silésiens. Et avec trois autres gars, attention, je vais encore avoir mal, Dostrouv Wielkopolski. Voilà, Pas ouais, mal. je m'en suis sortie. Le titre que j'ai choisi en premier, c'est Tvierza. Et c'est une grosse critique du gouvernement PiS. C'est le nom hein, du parti qui est au pouvoir, qui porte bien son nom, PiS, Ah. n'est-ce pas? Qui veut dire droit et justice en polonais. Clairement, un parti de bon gros faf, quoi. Donc oui, c'est une grosse critique de ce parti et de ce gouvernement. Et ça parle aussi des manifs contre la restriction du droit à l'IVG qu'il y avait eu, si vous avez suivi les infos, quand même pendant un bon moment en Pologne. Il y avait eu beaucoup de protestations, quoi. Et le deuxième titre, c'est Ministrant Edukacji, qui veut dire ministre de l'éducation. Et c'est une petite version non censurée. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelques petites insultes ou alors, en tout cas, des trucs qui leur plaît pas trop au gouvernement. Quelques petits courvards. Ouais. Mais ça, c'est le truc classique. Bez berła i korony, trujący jadem, idol ciemnych mas. Zły pełen nienawiści, pogardy i zawiści, słabnący w oczach, obłąkany dziad. Codziennie bliżej piekła, twarz rozdraśniona, wściekła. Grymas szaleńca, w oczach blady strach. Zamknięty w starym domu, wśród tępych oszołomów, niechwytający, jak się zmienia świat. Twierdza, twierdza, obleczona. C'était Big Tits avec Tsverta et Ministran Educaci. Et nous allons poursuivre avec Fajran. Fyrant. Fyrant, pardon. Fyrant. Fyrant. Fyrant. Alors, ouais, c'est un groupe de punk rock qui a été fondé en 2000 à Holstein. Et le titre choisi et le titre est un titre éponyme, donc pour la 100 000e fois, Fyrant. Avec le titre, enfin, il rentre. Et que ça rentre. Et ça rentre, ouais. On poursuit avec Shakira. Ah, Ouais, Shakira. Shakira. Voilà, un grand, grand classique bah, c'est une légende hein, quand même Ah, du bah punk oui, Shakira, tu quoi. m'étonnes que c'est une légende. Bah, c'est ça, quoi. Donc, c'est un groupe formé en 84 à Poulavi. Et qui fait sensation au festival le fameux festival de Jarocin, dont on parle quand même assez régulièrement hein, dans les émissions dédiées à la Pologne, forcément, hein, puisque c'est quand même le truc fondateur de la musique underground et punk en Pologne, quoi. Donc, oui, ils font sensation avec des paroles particulièrement obscènes et une musique bien agressive. Et puis bon, après, avec des changements de line-up et tout, ils sont passés à la New Wave et ils se sont dissous en 89. Mais après, je pense qu'il y a eu des reprises hein, du groupe, mais oui, toujours dans le style New Wave et tout ça, quoi. Ok. Là, on va être pas du tout dans le New Wave. C'est des titres donc tirés de leur période bien punk, bien agressive. Le premier titre, c'est Nyosats Vronie Sertsa, qui veut dire porter le cœur du corbeau. Et le deuxième, très simple, enfin, attaque, que j'ai pas besoin de traduire. Attaque! C'était Siekiera avec Nyonsak, Vorni Serka et Attack. Et on va finir avec un groupe qui s'appelle Moskva. Pareil, hein, qui est quand même très connu en Pologne. Un groupe de Łódź formé en 83. Donc Łódź, oui, c'est la Silésie à nouveau, hein, on est dans le coin. Et encore un groupe qui a émergé grâce au festival de Jarocin, hein, décidément. Édition 1986, qui a été très important dans l'histoire de Moskva, puisqu'ils ont suscité l'intérêt de la télévision britannique. Ah ouais. Ouais, ce qui a abouti à leur apparition dans le film de la BBC sur la scène rock polonaise qui s'appelle My Blood, Your Blood. Le film a été diffusé dans 7 pays, donc, dont entre autres évidemment le Royaume-Uni, les États-Unis, en Suède, ça, quoi. Mais par contre, il est arrivé fortement censuré dans les cinémas polonais l'année suivante, en 87. D'accord. Donc, ça devait faire bip, bip, bip dans Ouais. tous les coins. Ça devait être Cut, sympa à cut, cut. regarder, quoi. C'est ça, quoi. Les morceaux que j'ai choisis, c'est Nigdy, qui veut dire jamais, et Powietrza, qui veut dire air. Powiem tak i będę taki sam, tak jak wy, nie warty nic. Stare gry, łajdaki ciągną was, układy sił, wyznaczą wszystkich was. Nowe hasła za panowami, za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, po moich troskach, nieważne ja, tak i nie Polska. Nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie staram się jak wy, nigdy nie będę kukłą, nigdy nie za panu mną. Nowe hasła, nigdy. Powiem tak i będę taki sam, tak jak wy, nie warty nic. Stare gry, łajdaki ciągną was, układy sił, wyznaczą wszystkich was. Nowe hasła, za panu wami, za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, bo to jest troska, gdzie was nie ja, takie nie Polska. Nigdy nie powiem tak jak wy, nigdy nie strzelam się jak wy, nigdy nie będę kukłą, nigdy nie zapadną mną nowe hasła, nigdy. Nie wszystko, gaszenie, śmierć, promienie, powietrza, powietrza. Płonie wszystko, ludzie, kamienie, powietrza, powietrza. Et c'est avec les Moskva qu'on se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Eh ben, comme d'hab, toujours avec autant de plaisir, n'est-ce pas? Tout à fait. Et plaisir partagé. Parce qu'on est toujours aussi polis, nous, quand même. Ah oui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres pérégrinations. Restez à l'écoute de Droguiz Radio car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! Salut!